Nous avons créé notre environnement, on a façonné nos appartements. Nous avons gravé nos noms sur la pierre, on a enterré nos morts, on en est fiers. Nous avons appris à lire et à écrire, on a côtoyé les hommes comme Shakespeare. On connaît le mal, le bien sans fin, on donne à manger à ceux qu'on a besoin. On exploite le pétrole sans relâche, on roule dans nos bagnoles, ça sert de la gouache. On roule dans nos bagnoles, ça sert de la gouache, on exploite le pétrole, c'est néfaste. On rentre du boulot, crevé sans rêve, on se souvient du temps d'Adam et Ève. On se souvient du temps d'Adam et Ève. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est nos vies, je peux en parler toute la nuit. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est nos vies, je peux en parler toutes ces nuits. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est nos vies, je peux en parler toute la nuit. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est nos vies, je peux en parler toutes ces nuits. Je peux en parler toutes ces nuits. On fait des études sans savoir pourquoi. Dans la vie active, on fait nos premiers pas. Des lettres à ceux qu'on aime, on se sent ému en lisant les poèmes. On fait souvent la guerre, parfois l'amour, des souvenirs on en a surtout nos murs. On étudie le règne animal, on fait attention à tous les détails. On étudie le règne animal, on fait attention à tous les détails. On achète notre pain 80 centimes, on invite nos amis, ça nous fascine. Amis, ça nous fascine. Passer du bon temps, ce n'est pas impossible. On protège nos sœurs de toutes leurs peurs. On fait attention avec leur pudeur. Nos sœurs. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est nos vies, je peux en parler toute la nuit. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est nos vies, je peux en parler toutes ces nuits. C'est ma vie, c'est ta vie. C'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies, je peux en parler toute la nuit. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies, je peux en parler toutes ces nuits. Je peux en parler toutes ces nuits. En conclusion, la vie c'est beau. En conclusion, la vie c'est bon. Un jour je pense on trouvera la paix, malgré ce que nous avons tous fait. Un peu d'humilité, ça vaut le coup pour vivre notre vie jusqu'au bout. La vie est belle, je vous l'ai raconté. À présent, n'allez pas vous méfier. C'est la vie qui veut ça, qui veut ci. Ce que nous sommes, c'est comme ça, c'est comme si. Mais pourquoi, mais pour qui, me direz-vous? Je ne sais pas, d'abord je m'en fous, je m'en fous. C'est comme ça, c'est comme si. Après tout, c'est la vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies, c'est nos vies, c'est ma vie, c'est sa vie, c'est ma vie, vivons-le, c'est ma vie, c'est nos vies, vivons-le. C'est nos vies, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies, je peux en parler toute la nuit. C'est ma vie, c'est ta vie. C'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos vies, je peux en parler toutes ces nuits, je peux en parler toutes ces nuits. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est nos vies, je peux en parler toutes ces nuits, c'est ta vie, de nos vies, c'est ma vie, de nos vies, je peux en parler toute la vie.